Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française présente en émission différée Les Petites Michues, opéra comique en trois actes, livret de Albert Van Loo et Georges Duval, musique de André Messager. En voici la distribution. Blanche-Marie, Lina Dachary, Marie-Blanche, Claudine Collard, Madame Michu, Mireille Berton, Mademoiselle Herpin, René Castille. Deux pensionnaires, Janine Lindenfelder et Huguette Prudon. Gaston Rigaud, Aimé Donia, Aristide, René Lenotti, Michu, Duvalex, le général Désif, Jean Vieuil, Bagnolet, Henri Despèches. Texte de liaison de Denise Vautrin, mise en onde musicale, Jean-Étienne Marie. Soliste, orchestre radio-lyrique et chœur de la radiodiffusion française, chef des chœurs René Alix, sous la direction de Roger. En 1810, l'institution Herpin est renommée pour la qualité de son éducation napoléonienne. C'est là que sont élevées les demoiselles Michu. Blanche-Marie et Marie-Blanche, sœurs jumelles de 17 ans, se ressemblant assez peu d'ailleurs, mais aussi charmantes l'une que l'autre. Elles sont les filles du brave ménage Michu, crémier de son état, riche et généreux, pas poseur pour un sou. Nous voici donc transportés dans le jardin du pensionnat Herpin. Les élèves défilent en rang, deux par deux, en cadence. Mademoiselle Herpin est à leur tête. Elle se dirige vers un tambour, bien en vue, sur un trépied de bois, et elle va exécuter impeccablement un roulement prolongé. C'est ainsi que tout marche à l'institution. Institution Herpin, prix modéré, éducation de famille, discipline militaire. De façon toute militaire pour que mes élèves aient l'air de conscrits. Je suis la fille d'un commandant et j'ai un neveu sous les drapeaux. Je suis contente de vous comme française et comme patriote. Mais comme maîtresse d'institution, j'ai bien des reproches à vous adresser. Oui. Non pas que la dernière composition ait été absolument mauvaise, mais enfin, il y a encore eu des dernières. Et il ne devrait plus y en avoir. J'espère qu'il n'y en aura plus à l'avenir. Sur ce, rompez et amusez-vous mes enfants. On ne joue pas à quelque chose d'amusant? Il nous manque les deux qui mettent toujours les partisans en train. C'est vrai? Où sont donc les petites Michues? Marie-Blanche est allée à la lingerie pour faire une reprise à sa robe qu'elle avait déchirée en escaladant les tables. Elle n'en fait jamais d'autre. Et naturellement, Blanche-Marie a suivi sa sœur. Naturellement. Tu sais bien qu'elles ne font jamais un pas l'une sans l'autre. Ça se comprend, deux jumelles. Oui, mais vrai, pour deux jumelles, elles ne se ressemblent guère. L'une est blonde, l'autre brune. L'une a les yeux noirs, l'autre bleu. L'une a le nez droit, l'autre retroussé. Oh, et Blanche-Marie est bien plus distinguée que Marie-Blanche. Tu te trouves? Moi, je ne les trouve pareilles. En tout cas, elles sont inséparables. Ça, c'est exact. Elles ont jusqu'au même amoureux. Oh, dis donc! Monsieur Aristide, le premier commis, monsieur et madame Michu. Chut, chut, taisez-vous. Voici les petites Michu. Et elles seraient furieuses si elles savaient qu'on se... Tu y es? J'y suis. C'est nous. Blanche Marie et Marie Blanche, deux têtes sous un seul bonnet, deux fleurs sur une même branche, vive l'une l'autre bonnet. Blanche Marie et Marie Blanche, Blanche Marie et Marie Blanche, les deux formes d'un tout complet, les deux formes d'un tout complet, d'un tout. Entre-nous, tout devait être pareil en tout, absolument. Le ciel prudent nous a fait naître toutes les deux en même instant. Tout juste j'arrivais au monde, mes yeux s'ouvraient à peine au jour. Que moi, dans la même seconde, je vis mon nom montré par mon tour. Blanche Marie et Marie Blanche, sous un seul bonnet, deux fleurs sur une main. qui venait de l'autre connaît. Blanche Marie et Marie Blanche, Blanche Marie et Marie Blanche, l'air de forme d'un tout complet, l'air de forme d'un tout complet, d'un tout complet. Nous sommes toutes deux semblables avec la gaieté d'un passant. Maligne comme de vrais diables et les courroies de la passion. Mais avec ça, douce et gentille, malgré nos airs de casse-cou, en résumé, fort bonne fille et pas méchante pour un sou. Blanche Marie et Marie Blanche, deux têtes sous un seul bonnet, deux fleurs sur une même branche qui vont l'une l'autre donner. Blanche Marie et Marie Blanche, Blanche Marie et Marie Blanche, l'air de forme d'un tout complet, l'air de forme d'un tout complet, un tout complet. Et maintenant, mademoiselle, à quoi jouons-nous? As-tu une idée, Marie-Blanche? Oui, Blanche-Marie, à la main chaude. Oh oui, c'est justement ce que j'allais proposer. Et c'est moi qui m'y colle. Mais ne tapez pas trop fort. Oh non, va, ne te fera pas mal. Seulement, il faut intéresser le jeu. Oui, chaque fois qu'on se trompera, il y aura un gage. Oui, mais pas de mauvaise farce. Oh, pardon. Allez, Blanche-Marie, cache tes yeux. Voilà. Mets ta main derrière ton dos. Oui. À toi, Claire. C'est pas de mine. Un gage. Bon, qu'est-ce que nous allons bien poser, hein? Faire 6 fois le tour du jardin à cloche-pied. Oh non, il fait trop chaud. Attendez, j'ai trouvé. Embrasser la première personne qui entrera. Oh, oui, oui, oui, c'est ça. Et si c'est quelqu'un que je ne connaisse pas? Eh ben tant mieux, ça n'en sera que plus amusant. Oh, voyons, qu'est-ce qui va bien arriver? Oh, oh, un soldat. Non, ce n'est pas de jeu, je ne veux pas. Si, c'est jugé. Il faut. L'embrassera pas. Marie-Blanche, Dieu, mademoiselle, serait-ce de moi qu'il s'agit? Oh non, monsieur, certainement non. Ne l'écoutez pas. Voici la chose, mon capitaine. Nous jouions à la main chaude et... mademoiselle a perdu un gage... Tout juste. ...consistant à embrasser la première personne qui se présenterait. Comment? Vous savez ça? Non, mais je devine. Et c'est ce gage qui cause votre embarras, mademoiselle? Madame... Mais allez, va, il te mangera pas. Et puis un soldat, c'est pas un homme. Oh, c'est un héros. Ah, voilà qui est flatteur. Mais va donc. Oh, c'est très bien. Quoi, vous tremblez, ma belle enfant? Vous tremblez pour ce badinage? Vous devez payer, cependant, il faut obéir à l'usage. Voyons, calmons ce grand émoi, il s'agit d'une bagatelle. Et le danger, mademoiselle, ne serait plus à craindre pour moi. Et le danger, mademoiselle, serait plus à craindre pour moi. Ne baissez pas ainsi les yeux, un petit moment de courage. Là, sur le front, près des cheveux, je vais acquitter votre gage bien doucement. C'est fait, ma foi, c'est fait, et vous n'êtes pas morte. Et je crois, le diable m'emporte, que le danger était pour moi. Mais je crois, le diable m'emporte, que le danger était pour moi. Et maintenant, allons jouer. Oui, allons jouer. Pardon, mademoiselle. Je ne voudrais pas vous distraire de vos jeux, mais j'avoue que je ne serais pas fâché de savoir à qui je dois l'agréable surprise qui m'attendait ici. Blanche-Marie. Marie-Blanche. Michu. Michu. Michu. Michu, Michu. Oui, tel est capitaine, le nom qui nous était volu. Michu. Michu, Michu. Et puisqu'il faut qu'on vous l'apprenne, c'est nous les petites Michu. Michu, Michu. C'est nous les petites Michu. Deux sœurs alors. Deux sœurs jumelles. Le ciel en vous faisant toutes deux aussi belles n'a pas voulu sans doute égarer ses faveurs. C'est pour cela, mes demoiselles, qu'il vous a fait seul. Monsieur, monsieur, pas de galanterie. Et vous, pas de coquetterie. Je parle très sincèrement. Qui ne pourrait dire vraiment qui de vous est la plus jolie? Elles sont ravissantes. Jamais, non jamais, je n'ai vu de jeune fille plus charmante que les deux petites Michu. Elles sont ravissantes. Jamais, je n'ai vu. Mais en ce cas, il faut que je m'accuse. Je viens d'être fort maladroit et de vous faire un passe-droit, une injustice sans excuse. Comment ? Comment ? Entre deux sœurs, il est d'usage, n'est-il pas vrai qu'on se partage toutes choses équitablement? Certainement, évidemment. Et donc, puisque tout est commun à chacune, tout à l'heure, en embrassant l'une, ne vais-je pas embrasser l'autre aussi? Celle-là comme celle-ci. C'est fort logique, très véridique. Eh bien, alors, j'ai des remords. Mon capitaine, ne soyez pas en peine. Ce baiser-là, ma sœur me le rendra. Oui, tout s'arrangera comme cela, mon capitaine. Oui, tout s'arrangera comme cela. Ce baiser-là n'est pas perdu. Rien ne se perd chez les Michu. Ce baiser-là n'est pas perdu. Rien ne se perd chez les Michu. Rien ne se perd chez les Michu. Elles sont ravissantes. Jamais, non jamais, je n'ai vu jeune fille plus charmante que les deux petites Michu. Elles sont ravissantes, jamais je ne l'ai vu. De fond, la fin, ce sont des petites Michu. Du moment que cela vous suffit ainsi. Ah, mais c'est égal, ma conscience n'est pas en repos. S'il s'agit de votre conscience, je ne voudrais pas la troubler pour si peu de choses. Allons, capitaine, rétablissez l'égalité et embrassez-moi aussi. Oh, elle est tout à fait piquante. Ciel, qu'ai-je vu? Ne me dire pas, filon. Monsieur, me direz-vous? Gaston. Moi-même, ma bonne tante. Comment? C'est toi qui viens jeter le trouble au milieu de mon troupeau? Oh, le trouble. Il s'agissait d'acquitter un gage. Ces demoiselles avaient décidé que la perdante devrait embrasser la première personne qui entrerait. Et comme cette première personne, c'était moi. Ah, tu n'as pas laissé perdre l'occasion, schnappant. Mais qu'est-ce que je vois? Tu es capitaine? Oui, mon commandant. Capitaine Gaston Rigaud. Ça sonne bien, pas vrai? Et d'où rapportes-tu ce grade-là? De Saragosse, d'où j'arrive en droite ligne. Pendant une des dernières sorties des assiégés, j'ai eu le bonheur de sauver mon général. Résultat, une balle dans l'épaule et capitaine sur le champ de bataille. Blessé. Il a été blessé. Voilà comme nous sommes dans la famille. Le siège terminé, mon régiment reprenait le chemin de Paris où je suis arrivé ce matin. Ce matin? Et je ne te vois que maintenant. Et le service, ma bonne tante. Sans compter que mon général m'a pris en si vive affection qu'il ne peut plus se passer de moi. Au point, attendez-vous à une grande émotion, au point qu'il veut faire de moi son gendre. Son gendre? Tu vas épouser la fille de ton général? Tout simplement. Il doit aujourd'hui même demander l'autorisation de l'empereur et ce soir, la nouvelle sera officielle. Aussi ai-je tenu à ce que vous en fussiez la première informée. Et maintenant que je vous ai vu, que je vous ai embrassé... Moi et mes pensionnaires. Oh, vous voyez bien que c'est sans importance. Ne te défends pas. Après chaque victoire, je te permettrai de les embrasser toutes. Oh, mais dans ce cas, les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Alors, au revoir, ma tante. Je te reconduis, mon capitaine. Tu as entendu, Blanche-Marie? Je n'ai pas perdu un seul mot, Marie-Blanche. Crois-tu qu'elle est cachotière, hein, cette mademoiselle Herpin? Oh oui, alors. Avoir un pareil neveu et ne nous l'avoir jamais présenté. Mais puisqu'il était à la guerre... Ben, elle aurait pu nous en parler, au moins. Sans compter qu'il est très gentil, capitaine. Il me plairait beaucoup. Et à toi? Pourquoi demandes-tu cela? Il va se marier. Bon, c'est pas une raison, ça. Tu es lude. Mais je t'ai bien vue, va, tout à l'heure. Tu as rougi quand il t'a embrassée. Moi? Oui, mademoiselle. À vous. Eh bien, moi, je serais plus franche que toi. Et puis, j'en tiendrais volontiers pour ce beau militaire-là. Oh, dire qu'il va épouser la fille de son général. Oh, c'est biscant tout de même. Oh, Marie-Blanche. Il n'y a pas de Marie-Blanche, voilà comme je suis. Avec son allure si fière, il pourrait de la plus sévère tourner la tête en un moment. Oh, je voudrais être à la place de la jeune et tendre Pécasse qui va nous souffler, quelle audace, un militaire aussi charmant. Oui, ma chère, pour me plaire, il n'aurait qu'à dire un seul mot. Oui, ma chère, pour me plaire, serrez tout à fait le robe qu'il faut. Si je pouvais, pauvre fillette, choisir un époux à ma tête, je voudrais faire sa conquête et subjuguer ce pauvre temps. Pas de chance, la place est prise. Vrai, la nouvelle me défrise. Et si je tenais la promise, je l'étranglerais. Oh, voyons, Marie-Blanche, que oui, dis-tu? Oui, ma chère, pour me plaire, il n'aurait qu'à dire un seul mot. Oui, ma chère, pour me plaire, c'est de la femme qu'il faut. Et dire qu'au lieu de ça, nous en sommes réduites à nous partager l'amour de ce brave Aristide, le commis de nos parents, dont le cœur va de l'une à l'autre comme un balancier. Pouf! Oh, voilà une perspective. Oh, tu es folle, tiens. Et toi, veux-tu que je te dise ce que tu es, hein? Eh bien, tu es jalouse, tu es ma rivale. Oh, pardon. Mais tant mieux, nous le disputerons, et puis ça me donnera l'occasion de parler de lui. Et les deux jeunes filles se sauvent en riant. Mais voici que dans le jardin maintenant désert, apparaît un groupe sympathique. Monsieur Michu, Madame Michu et leur commis Aristide, portant à qui mieux mieux bouteilles fines, paniers de friandises et paquets de gâteaux. Car les Michus ont accoutumé, quand ils viennent voir leurs enfants, de régaler tout le pensionnat. Vraiment, ce sont là de bien braves gens. Et comme ils se présentent... Nougla, nougla, nougla, en la ville de Canada, nous arrivons des Halles, nous arrivons des Nougla. Arrive, mon homme. Je suis ma femme. Avance, Campin. Voilà, madame. Où est-ce qu'est le panier? Panier, voici. Et les bouteilles? Où se prestige? Laissez les laisser dans la carriole. Cours, Aristide. Mais t'es ta folle, tu les as toutes deux sous les bras. Je ne m'en apercevais pas. Quel homme plein d'insuffisance, c'est une linotte, oh, ben non. Pas rien d'une ponce. Michu, t'es bien heureux, ma foi, d'avoir une femme telle que moi. Ça, je le connais. C'est pas dommage, pardine, c'est moi qui fais tout dans le ménage. À l'ouvrage, dès que vient le matin, je suis la première à la boutique. Et vivement, je sers la pratique, car il faut que tout marche bon train. Je tranche, je coupe, je taille, je rogne, jamais je ne fais qu'un ennemi. Je suis un vrai cheval à la besogne. Bref, de nous deux, c'est moi le mari. Aussi, des innocents à la pointe, cette stache, c'est un refrain de tout le monde connu. Bien que n'ayant ni barbe ni moustache, c'est un rude homme que Madame Michu. Des innocents à la pointe, cette stache, c'est un refrain de tout le monde connu. Bien que n'ayant ni barbe ni moustache, c'est un rude homme que Madame Michu. Mais malgré ça, je ne manque pas de ce qu'il faut au sexe pour plaire. J'ai le superflu, j'ai le nécessaire, en fait de grâces et de pas. Comme une autre, je suis coquette, je sais prendre des airs vainqueurs, je sais quand je suis en toilette, car mon regard charmille les cœurs. Aussi, des innocents à la pointe cette stache, lorsque je passe avec mon beau fichu, ma chaîne d'or et ma robe de pistache, on se dit quelle femme que madame Bichu. Des innocents à la pointe cette pistache, lorsque je passe avec son beau fichu, sa chaîne d'or et sa robe de pistache, on se dit quelle femme que madame Bichu. Oh oui, t'es une rude femme, oh, crée coquette. Eh bien, enchère avec un look. Voyons, Michu, nous sommes pas seuls. Ah, qui donc? Ben, Aristide. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Il est là planté sur ses deux pattes comme un pingouin, sans prononcer une seule parole. Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Qu'est-ce que t'as, Aristide? Mais j'ai rien, mon parrain. Moi, j'ai rien, mon parrain. Bon, laisse-le, c'est la jeunesse qui travaille. Ouais, c'est-il la jeunesse? Peut-être ben que oui, mon parrain. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, voilà tout ce qu'on peut en tirer. Moi, ton âge, moi, quand ça me travaillait au corps, les coquins. Notre femme. Tu vas dire des bêtises. Oh, c'est vrai, t'as raison. Gardons ça pour plus tard. Tain, j'ai perdu mon mouchoir. Mais non, Nigo. Le v'là qui dépasse de ta poche. Oh, t'as encore raison. J'ai si peu de tête. Hein. Heureusement que t'en as pour moi. Hein. Ah, tu peux t'en vanter. Oui. T'es même pas capable de servir la pratique. Oh. Ah, ce matin, t'as donné un camembert à la place d'un quart de beurre. Mais j'avais mal entendu. Ben, je suis si distrait. Mmh. Tu devrais pourtant en être guéri de tes distractions. Il y en a une dans ton passé. Oh là là. Qui a eu des suites assez graves. Oh, chaud, nous parlons point de sable. Oh là là. Enfin, quoi. Ce qui est fait est fait. Mmh. Mais c'est donc pas l'heure de récréation. On ne voit pas nos petites. Mais si, elles sont en train de jouer là-bas. T'es le blanc réveillé, lui. Attends, je vais les appeler. Ouais. Oh, tu bien te taire. On se croirait le matin à la criée, ma parole. Oh, t'as raison, ma femme. T'as toujours raison. Mais quel est ce vacarme? Oh, monsieur et madame Michu. Là, t'as dérangé mademoiselle Herpin. Excusez-nous, mademoiselle Herpin. Oh, comment donc, mais je suis enchantée. Moi, je suis enchantée. Et les petites, elles vont bien? Admirablement, les chères mignonnes. Vous allez les voir à l'instant. Oh, ils vont venir. Et on a encore des soldats qui partent. Vive l'armée! Oh, mais non, Retourneau. C'est mademoiselle Herpin qui appelle ses élèves par un roulement de tambour. Oh, c'est vrai. Ça me surprend tout. Les gars, bonjour, maman. Bonjour, papa. Voyez le regard qui s'enflamme en reluquant tous nos présents. Nous allons procéder par ordre et sans attendre plus longtemps. Vous allez mordre, mordre, mordre, vous allez mordre à belles dents. Nous allons mordre, mordre, mordre, mordre, mordre. Nous allons mordre à belles dents. Allons, mettons le panier au pillage, donnons-nous en notre content. Donnons-nous en notre content. Voici des fruits, du pâté, du fromage, donnons-nous-en notre content. Et pour dessert, des châteries, des gâteaux et des sucreries. Des gâteaux et des sucreries, vraiment, nous sommes attendus. Vive papa, papa, gâteau, vive papa, papa, gâteau, avec leurs friandises et leurs surprises. Ils font du café de bien rond, ils font du café de bien rond. Papa, papa, gâteau. Mademoiselle, remerciez monsieur et madame Michu et laissez vos deux compagnes à leurs épanchements de famille. Au revoir, Michu. Au revoir, mes enfants. Au revoir, au revoir. Au revoir. Oh, maintenant que je vous regarde à mon aise. Ah, moi aussi. Moi aussi. À la main. À la papa. Elles ont des mines, elles sont superbes. Eh ben moi, je trouve qu'elles ont encore forci. On voudrait passer son temps à les embrasser. Oh oui. Qu'est-ce que t'as, Aristide? Oh, ben tant pis, là, puisque ça m'a échappé. Il faut que j'éclate tout à fait. Vous me demandiez tout à l'heure ce que j'ai depuis 3 mois. Eh ben, j'ai que je dessèche, que je dépéris, que je m'étiole et que ça peut plus durer comme ça, là. J'ai que je suis amoureux. Hein? Ma Michu, mon parrain, j'ai l'honneur de vous demander la main de vos filles. Tout la main? Oui. Ah, voilà ce que je craignais. Il demande les deux encore? Vous ne refusez rien? Quand je dis les deux, bien entendu, il s'agit d'une, hein. Seulement je ne sais pas laquelle. Je prendrai celle qu'on voudra. Marie est douce et bonne, c'est un mouton, c'est un agneau. Mais Marie Blanche est si mignonne, avec un si gentil museau. Entre les deux, c'est difficile, parole d'honneur, de faire un choix. Si ben qu'il faudrait, à ce que je crois, prendre les deux pour être ravie. Celle que je veux, j'en sais rien moi-même. Pour toutes les deux, je fais des vœux, sans savoir laquelle j'aime. Et je serais ben content tout de même, si vous me donniez l'une des deux. Car en prenant l'une des deux, je serais sûr d'avoir celle que je veux. Près de Blanche-Marie, mon cœur soupire, je suis rêveur et ténébreux, mais Marie-Blanche me fait rire, et j'en frissonne jusqu'aux cheveux. Je voudrais Blanche-Marie pour femme, et je voudrais Marie-Blanche également, oui, mais v'là, malheureusement, ça ne se peut pas sans être bigame. Celle que je veux, j'en sais rien moi-même. Pour toutes les deux, je fais des vœux, sans savoir laquelle j'aime. Et je serais ben content tout de même, si vous me donniez l'une des deux. Car en prenant l'une des deux, je serais sûr d'avoir celle que je veux. Mon bon Aristide, dans tout ça, oui. Il me semble que vous oubliez une chose, c'est de nous consulter. Ah, il me semble. Avant tout, il faut qu'on m'en désigne une, là. Car voyez-vous, moi, je peux plus vivre dans cette incertitude. Eh ben, ma Michu, eh ben, mon parrain. La réponse. Il y en a point de réponse. Comment, mon garçon? Tu viens de nous dire toi-même que depuis 3 mois, tu n'as pas pu te décider. Et tu veux que nous nous décidions tout de suite, comme ça, on sera à la minute. Mais nous en causerons dans un an. Non, plus sur ce, tu vas me faire le plaisir de tourner les talons et d'aller surveiller la carriole. Et plus vite que ça. J'y vais, mon parrain, j'y vais. Un an, comme ça va être long, mon Dieu. Et vous, les enfants, allez jouer un instant avec vos compagnes. J'ai besoin de causer avec votre père. Bien, maman. Eh ben, Michu. Eh ben, ma femme. Ça y est, v'là qu'on nous les demande. Mais parbleu, ça devait nous tomber un jour à l'autre. Enfin, j'espérais que ce serait plutôt l'autre. La maison 17 ans, ils sont jolis, bien élevés. Les Michu passent pour avoir des économies, c'était fatal. Oui, Aristide encore, ça compte pas. Mais il peut s'en présenter un autre, un sérieux et qui plaise aux petites. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous lui répondrons? Je te dis que j'ose pas y penser. Et tout ça par ta faute. Mais 17 ans que j'endors plus. Je vous demande un peu. Oh. Allez s'aviser de les fourrer dans le bain le lendemain de leur naissance, pendant que je dormais. Mais si bien que lorsqu'il s'agit de les retirer, impossible de les reconnaître. Je savais plus laquelle des deux qui était l'autre. Mais enfin, heureux encore que nous n'ayons jamais eu de nouvelles du père de celle qui est point à nous, le marquis. Hein? C'est pour ça que nous avons quitté le pays sans dire où nous allions. Et depuis ce temps-là, nous vivons dans des transes continuelles. À chaque instant, il me semble que je vais le voir paraître. Et maintenant, ce sont les pauvres petites qui vont en souffrir. Nous avons été quittes pour les aimer tout autant l'une que l'autre. Eh oui, mais elles, le jour où le cœur parlera, impossible de les marier. Nous n'avons pas le droit d'en disposer sans savoir. Le vois-tu donnant la fille d'un marquis à un simple commis de rien du tout? C'est épouvantable. Enfin, écoute, Duana, pour nous changer les idées, allons embrasser nos filles. Oh, t'as raison. Monsieur et Madame Michu, voici une visite pour vous. Qu'est-ce que veut dire ce militaire? Pardon, excusez les bourgeois, que c'était bien vous, le dénommé Michu, qui habitait les yeux des environs d'alentour? Mais pourquoi? Répondez d'abord, c'était vous? Oui. Il y a quelque chose comme 17 ans, approximativement. Oh mon Dieu, 17 ans. Oui, bien quoi, qu'est-ce que vous voyez, répondez, voyons. Oui, oui, oui, oui. Alors que c'est bien ici qu'une nuit, on a apporté une petite fille qui vient de voir le jour. Une petite fille. Oui, oui, une petite fille du sexe féminin. Oui. Vous n'avez pas l'air de comprendre, il me semble que je ne parle pas chinois. Pas tout, là, la voilà la tuile. Et pour l'heure que c'est la fille de mon général. C'était pas un général. Impossible. Paraît que dans le temps, il n'était que le marquis des Ifs. Oh, c'était bien lui. Et même que pour échapper à la révolution, il avait été obligé de s'expatrier dans les pays étrangers, laissant au château sa femme qui était dans une situation pleine d'intérêt rapport à la petite fille dont il s'agit. Vous me suivez toujours, oui? Oui. Oui, ensuite de ça, le château ayant été envahi par une bande de révolutionnaires, le général qui n'était pas le général, le général qui n'était pas le général, la marquise, enfin, qui venait de donner le jour à un rejetant du sexe en question, a mouru le saisissement le soir même. Vous me suivez toujours? Oui. Alors qu'on porta l'enfant chez vous, vu que vous veniez d'en avoir un le même jour, avec un bout de lettre vous expliquant la chose, une somme d'argent en conséquence, comme qui dirait pour les mois de nourrice. C'est toujours exact. Oh oui, que trop. Pour l'heure, quand le marquis rentra en France, le marquis qui n'était pas le marquis, attendu que lui il était devenu le général, vous aviez disparu avec la petite, si bien que ce n'est qu'il y a que deux mois au sein de Saragosse, que le général a pris par une note de police que vous étiez au hall en face de la pointe Saint-Eustache. Alors, de notre arrivée à Paris, ce matin, mon général m'a dit Bagnolet. Oui, Bagnolet, c'est mon nom. Tu vas aller au hall. J'y suis têté. On m'a renvoyé ici, voilà. Ouf! Pour l'heure que vous allez me donner la mademoiselle. Non, mais c'est pas possible. Impossible à cause. Mais à cause qu'elles sont deux, m'entendez, deux. Deux, mais j'ai bien compris, j'ai bien entendu. Je vous en demande pas deux, ne compliquez pas, non. Je vous en demande qu'une. On vous dit. Mais pas d'observation, donnez-moi la mademoiselle. Et puis je ne savais pas laquelle. Comment vous ne savez pas laquelle? Mon général n'en a pas 36, non. Il n'en a qu'une. Et c'est celle-là que je viens chercher. Il me semble que c'est clair pourtant. Mais non, nous les avons mêlées. Mêlées? Oui. Quand est-ce que c'est mêlées? Oui, mêlées. Enfin, mélangées, quoi, si vous aimez mieux. Dans un bain. Un bain? Qu'est-ce que c'est que ça qu'un bain? Oh, qui est brut. Bah, écoutez, non, tâchez de me comprendre. Oui. Il y en a une qui est à nous. Eh bien, je ne vous la demande pas, celle-là, vous pouvez la garder, donnez-moi l'autre. Mais c'est la même, oh, donnez la même. Ça vous fiche de moi? Écoutez, vous allez venir avec moi chez le général et vous expliquerez votre affaire. Oh, ben ce sera plus simple. Là, seulement, je vous engage à filer droit. Oui. Il n'est pas commode, mon général. Oui. C'est de la poudre, du salpêtre, et pif, et plaf, et plouf, et plouf, et plouf. Allez, appelez vos deux jeunes personnes, puisque vous tenez absolument à lui donner deux filles. Mais vous êtes de l'entêtement, mais pas d'observation, et appelez-les. Oui, tout de suite, il n'y a qu'à exécuter un roulement de tambour. Allez, tout le passé n'a pas. Et nous en route promptement. Au lieu de ce qui nous attend.